Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, ce n'est plus le temps de dormir. C'est le matin que tu devrais puiser dans les bontés infinies de Dieu. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme et se renouvellent chaque matin. Au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, tu dois t'élever femme dans la prière pour que le Seigneur te donne la victoire à cause des combats que tu connais. Réveille-toi, nous sommes à OSB. Réveille ton mari, réveille ton voisin, réveille ta femme. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 6, versets 13 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel chapitre 6, 13 à 21. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans les champs de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit les bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et les coffres qui étaient à côté d'elle et qui contenaient les objets d'or, et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les cinq princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux cinq chefs, tant des villes fortifiées que des villes sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh. Lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel, il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirja-Jarim pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » Amen. Il y a deux grandes vérités que je voudrais partager avec vous, chers auditeurs, auditrices de OSB. Voici la première vérité. Manifestons notre joie et notre reconnaissance à Dieu par nos offrandes. Il est important, lorsque tu as vu la bonté de Dieu, lorsque tu as vu les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu ne dois pas te limiter seulement à dire merci à Dieu, sans autre chose. Mais nous devrons apprendre aussi à manifester cette reconnaissance à Dieu par nos offrandes. Et nous voyons ce passage depuis hier, nous avons vu que même ceux qui étaient des païens nous apprennent ce principe-là. Ne soyez pas étonnés de voir qu'il y a même des païens, des gens que nous appelons païens, qui sont bénis parce qu'ils apprennent à manifester leur gratitude à Dieu. Ils exercent la libéralité. Ce passage nous montre que les Philistins n'ont pas renvoyé l'arche de l'Alliance à vide. Ils l'ont renvoyé avec des vaches et des offrandes de qualité. Il est dit ici, au verset 15, « Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et les coffres qui étaient à côté d'elle et qui contenaient les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les cinq princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Vous voyez, des fois, le Seigneur nous apprend même à travers les gestes que posent ce que nous appelons communément les païens. Vous voyez, ici, le Dieu d'Israël, il n'a pas rejeté les offrandes que les Philistins ont apportées. C'est pour dire que Dieu parfois peut utiliser même ce que nous appelons païens pour offrir quelque chose qui lui est agréable. Donc, ne rejetons pas systématiquement tout ce que les gens qui ne connaissent pas Jésus offrent. Dieu peut utiliser même un roi qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas forcément chrétien, pour faire du bien à son peuple. Dieu peut utiliser une autorité qui n'est pas chrétienne à faire du bien pour l'avancement de son œuvre. Vous voyez ici, les Philistins ont apporté deux vaches et ils ont apporté des souris d'or. Il est dit ici, au verset 16, les cinq princes des Philistins, après avoir vu cela, retournaient à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour les péchés. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Vous voyez ici, ils ont donné des offrandes d'après les cinq princes des Philistins. C'est pour dire que lorsque Dieu t'élève dans la société, tu ne dois pas donner n'importe quelle offrande. Il faut que ce soit une offrande qui reflète ton niveau de vie, une offrande qui puisse toucher le cœur de Dieu. Regardez la qualité de ce qu'ils ont fait. Ce sont des offrandes qui étaient en or, des objets en or. Et il est dit au verset 18, il y avait aussi des souris d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux cinq chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth Shemesh. Je vais parler à une dame. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a donné des biens matériels. Tu viens d'avoir une jolie, une nouvelle voiture. Dieu t'a ouvert les portes. L'année écoulée, tu as fait des voyages partout dans le monde. Tu as eu des frais de mission. Comment as-tu manifesté ta reconnaissance à Dieu? Est-ce que as-tu songé donner des offrandes dignes de ce Dieu qui t'a béni, qui a fait que tu sois élevé à la place où tu es? Manifestons notre reconnaissance à Dieu. Nous voyons ici, les Philistins même, un peuple qui ne connaissait pas Dieu, nous apprend à donner une offrande de culpabilité, une offrande pour effacer leurs péchés. Ils ont compris que le fait de prendre l'âge de l'alliance de Dieu, c'était une erreur. Ils l'ont renvoyé, mais ils l'ont renvoyé avec des offrandes. Et quand les Lévites ont vu ces offrandes, ils ne les ont pas rejetées. Ils ont pris des vaches, ils ont offert ce qu'on appelle des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. L'holocauste était ce genre de sacrifice qui était entièrement consumé par le feu et dont l'odeur montait devant le tronc de Dieu. Et c'était un sacrifice agréable à l'Éternel. Deuxième vérité, la présence de Dieu saint peut devenir une menace lorsque nous ne marchons pas selon les règles qu'il a établies. La présence de Dieu peut devenir une menace. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il ne suffit pas de porter le nom des chrétiens. Je pars à l'église, je pars à la messe, je suis responsable, je suis diacre, je suis acolyte, je suis, je ne sais pas, prêtre, je suis pasteur. Mon ami, lorsque tu ne vis pas selon les règles, Dieu peut te frapper, Dieu peut te punir. Nous voyons ici quelque chose de dramatique qui s'est passé dans la ville de Beth Shemesh. Dieu a frappé les habitants de cette ville parce qu'ils ont regardé l'arche de l'Alliance. Ça peut être curieux pour certains, dit, mais quel péché ont-ils commis? Attention, les coffres qu'on appelait l'arche de l'Alliance, c'était un coffre sacré qui représentait la présence divine. N'importe qui ne pouvait pas toucher à l'arche et n'importe qui ne pouvait pas regarder. Vous voyez, à cause de la sainteté de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir que quand Dieu a demandé à Moïse de fabriquer le tabernacle, ce coffre sacré qu'on appelle l'arche était dans la troisième partie qu'on appelait les lieux très saints. Et dans cette troisième partie, seul le souverain sacrificateur, c'est-à-dire il était comme le chef de tous les sacrificateurs, avait le droit ou l'opportunité d'y entrer une fois l'an, les jours qu'on appelait les jours de Yom Kippour. Et quand il y entrait, on lui attachait une petite corde pour chaque fois on devrait vérifier s'il est vivant. Parce que Dieu est saint. Quand on entre dans sa présence, quand on entre avec des péchés qu'on n'a pas confessés, on vit dans la désobéissance, sa présence peut devenir une menace. Voici les faits qui justifient que Dieu frappe les habitants de Beth Shemesh parce qu'ils ont regardé l'arche. Mon frère, fais attention, ma sœur. Tu vis dans la désobéissance, tu vis dans la compromission. Ça fait des années, on t'a prêché, mais tu viens toujours à l'église. Quand on organise des jeûnes, tu es toujours là, tu gênes, mais tu ne veux pas te repentir. Fais attention, parce que ce Dieu-là risque de te frapper, comme il a frappé les habitants de Beth-Shemesh. La Bible nous dit au verset 19, « L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 70 hommes parmi les peuples, et le peuple fit dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. » Les gens de Beth-Shemesh disent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? Ils ont compris que le problème c'était le péché, parce que Dieu est saint. Quand tu t'approches de ce Dieu-là, tu dois t'examiner. C'est aujourd'hui où les gens jouent avec le Dieu saint. Vous venez à l'église, vous allez à la messe, vous êtes dans le mysticisme, vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans l'immoralité sexuelle, vous êtes dans la pédophilie, vous êtes dans le mensonge, dans la magouille, dans la corruption. Vous devez savoir que Dieu est saint. Et si vous ne vous repentez pas, il risque un jour de vous frapper. Avant que cela ne soit trop tard, je vais dire à quelqu'un, repens-toi. On t'a déjà prêché, on t'a parlé, repens-toi. Ne fais pas semblant de dire, je suis chrétien, je suis engagé, alors que tu ne marches pas selon les lois divines. Oh que Dieu nous aide à marcher dans la sainteté et dans la justice. Nous allons les louer, chantons ces chants. Tu pries, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle. Surpasse toute puissance, Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Surpasse toute puissance, Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu victorieux, Dieu victorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Au Seigneur, il est digne de louange, il mérite la gloire, l'honneur, la puissance. Élève ta voix. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous encourageons tous ceux qui suivent OSB. Cette émission qui est produite à partir d'Abidjan et qui est diffusée ou rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel 6, 13 à 21. Manifestons notre reconnaissance à Dieu par nos offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour que Dieu nous donne cette occasion de lui manifester notre reconnaissance par des offrandes de qualité, comme l'ont fait les habitants des Philistins. Les Philistins, ils ont donné à Dieu, ils ont offert à Dieu des offrandes de culpabilité pour apaiser sa colère. Prions le Seigneur. La force dans la vie. Nous voulons te dire merci ce matin pour la vie que nous avons, pour la joie que nous avons d'être dans ta présence, la santé que tu nous donnes, ta présence par ton esprit. Gloire à toi, que nos acclamations montent en toi, parce que tu es celui-là qui doit les recevoir. Merci parce que tout ce que nous avons vient de toi, et nous pouvons te le remettre avec joie, avec gratitude, avec reconnaissance, avec des choses de qualité, les meilleures. Parce que tu ne tiens pas compte de notre mauvaise vie et tu continues à nous bénir. Ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour notre famille, notre époux, notre épouse, nos enfants, le travail, notre Dieu, notre Père, l'Esprit de Dieu que tu nous as donné, ta parole, tu nous as racheté. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants, ô Dieu Tout-Puissant à ton égard. Et t'offrir des choses de qualité, les meilleures des choses. Tu l'offrir avec reconnaissance, avec danse, avec joie. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons que cet esprit soit communiqué à tous ceux qui nous écoutent. Tout cela, Seigneur, pour que chacun puisse te donner avec reconnaissance et gratitude. Oui, notre Dieu, notre Père, c'est ce que tu agrées. Nous te prions ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que la présence de Dieu peut devenir une menace lorsque nous ne marchons pas selon les règles divines. Chacun de nous va s'examiner. Peut-être que ce dernier temps, tu vis des problèmes, tu ne comprends pas. Des maladies bizarres qui viennent. Depuis que tu vas à l'hôpital, on essaie de faire des examens, mais tu n'es pas guéri. Mon ami, examine-toi. Si c'est à partir d'un péché que tu as commis, que cette maladie est venue, si c'est à partir d'une désobéissance, que tu as perdu ton emploi, que ton commerce est tombé en faillite, repens-toi d'abord sincèrement. Lorsque tu vas te repentir sincèrement, c'est alors que tu verras Dieu débloquer ta situation. Parce que tu dois réaliser que Dieu est saint. Tu ne dois pas demeurer dans le péché. Que chacun de nous prie le Seigneur pour dire: Seigneur, pardonne mes péchés, aide-moi à marcher dans la sainteté, dans la justice, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur parce que tu connais notre vie, tu connais comment nous sommes formés, d'où nous sommes venus, comment tu nous as rachetés, Dieu Tout-Puissant, Dieu Vivant. C'est à cause du sang de Jésus qui est versé sur la croix de Golgotha que tu nous acceptes. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous t'adorons, toi le Dieu trois fois saint, toi le Dieu qui est le péché, notre Dieu, notre Père. Ce matin, nous reconnaissons que nous continuons à vivre dans le péché. Nous continuons à te tromper, à te désobéir. Nous continuons, notre Dieu, notre Père, malgré que nous soyons des chrétiens, des responsables. Tout ce que tu nous confies, des grandes responsabilités. Et nous continuons à jouer avec le péché, à demeurer dans le péché. Et rien, tout est bloqué dans notre vie. Il y a des maladies que nous ressentons dans ces derniers temps. Tout est bloqué. Notre travail est bloqué. Il y a des maladies dans nos familles. Dieu Tout-Puissant, nous croyons que nous devons nous arrêter et prendre une bonne décision pour nous repentir, à venir devant toi dans les pleurs, à se jeter dans la cendre et à te demander sérieusement pardon. Pardon que notre vie est mauvaise. Pardon Seigneur, nous réclamons également ton pardon, ta miséricorde, ta compassion, oui, ta faveur. Dieu Tout-Puissant, tu es le seul qui peut nous pardonner, qui peut nous gracier, tu peux nous mettre au large, tu peux nous libérer. Nous avons foi, c'est pourquoi nous venons devant toi ce matin. Aide-nous, donne-nous la force à abandonner le péché, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier aujourd'hui pour nos églises. Parfois, il y a des choses que nous vivons dans nos églises. Il y a des gens qui vivent dans l'hypocrisie, ne réalisent pas la sainteté de Dieu, ne réalisent pas que l'église, c'est le temple du Dieu très saint, du Dieu saint, et que nous devrions nous débarrasser du péché. Notre corps même est le temple du Saint-Esprit. Prions pour que Dieu nous fasse grâce à marcher dans la sainteté au nom de Jésus. C'est avec joie, notre Dieu, notre Père, que nous venons dans ta présence. Nous nous sommes réveillés en bonne santé. Nous sommes réveillés et nous venons dans ta présence pour élever la voix vers toi, nos mains vers toi, nous incliner devant ta sainteté, devant ta gloire, devant ta majesté, devant ta puissance. Reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dieu Tout-Puissant, reçois nos acclamations. Reçois nos louanges, reçois notre gratitude, reçois notre reconnaissance, reçois Dieu Tout-Puissant, notre adoration. Ce matin, nous reconnaissons que nous sommes hypocrites, que nos églises sont remplies de beaucoup d'hypocrites, des gens qui ne sont pas sincères dans leur dîme, les gens qui ne sont pas sincères dans leur communion fraternelle, des gens qui ne sont pas sincères dans leur foyer, les gens qui ne sont pas sincères dans la gestion du temps que tu nous donnes, dans la gestion des finances que tu nous donnes, dans la gestion de tout ce que tu nous donnes, nous sommes hypocrites, nous sommes mauvais, nous te donnons ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas agréable. Nous venons en retard à l'église, nous sommes là parce qu'il faut être là, mais notre cœur n'y est pas. Nous te demandons que ton esprit fasse son travail dans notre cœur, afin que Dieu Tout-Puissant, nous soyons sincères dans notre adoration, dans tout ce que nous t'offrons, dans tout ce que nous faisons, dans nos relations avec les frères. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.